Chapitre 23e. Le beau-père de M. de la Branche, le vénérable M. Marpilloux, habitait Nogent depuis qu'il avait cédé son étude, et tous les dimanches il recevait son gendre chez lui. De là étaient nées des relations de voisinage, qui, continuant des relations d'affaires, avaient créé une sorte d'intimité entre Mme d'Alifard et la famille Marpilloux. Quand Mme d'Alifard avait organisé ses réceptions, elle avait été heureuse de trouver cette famille qui, se composant de 7 personnes, meublait tout de suite la salle à manger. N'ayant en espérance que des dots modérées, et plus laides d'ailleurs les unes que les autres, les 3 demoiselles Marpilloux qui restaient à marier ne pouvaient en aucune façon être des rivales pour Juliette, mais elles étaient excellentes pour remplir la maison, et c'était en cette qualité que Madame d'Alifard les invitait. Monsieur de la Branche, qui, au grand désespoir de son beau-père, laissait sa figure de notaire à Paris, pour devenir un écolier échappé aussitôt qu'il avait passé la barrière du trône, était l'entrain et la gaieté de ses réunions. Il organisait toutes les parties, jouait avec les enfants, causait politique avec les pères, faisait du sentiment avec les jeunes mères. Enfin, il se répandait au dehors de toutes les manières, autant par expansion naturelle que pour échapper à sa femme, aussi aigre que disgracieuse. Bien qu'il fût continuellement en train de causer, de rire et de remuer, il était cependant capable d'observation, et ses yeux circulaires voyaient très bien tout ce qui se passait autour de lui, en même temps que ses oreilles aux aguets entendaient ce qui se disait. L'attitude de Juliette et d'Adolphe l'avait naturellement frappé, et sa curiosité éveillée, il s'était mis à les étudier l'un et l'autre. Quel rôle Mademoiselle Nélis jouait-elle dans cette maison? Celui d'une maîtresse, celui d'une fiancée, celui d'une amie? Tout d'abord, il avait incliné à croire qu'elle était la maîtresse d'Adolphe. Certains regards, des poignées de mains plus longues qu'elles ne le sont ordinairement entre indifférents, des mots dits à l'oreille, des prétextes sans cesse renaissants pour s'isoler et rester en tête à tête, lui avaient prouvé jusqu'à l'évidence qu'il y avait de l'amour entre eux. L'amour constaté, la conclusion avait été qu'elle était sa maîtresse. Une artiste, c'était bien naturel. Pas de fortune, c'était obligé. Et comme il n'était pas du tout bégueule avec lui-même, le jeune notaire, il s'était fort égayé à cette idée. Voilà des gens heureux, s'était-il dit. Elle est charmante, il est beau garçon, ils sont jeunes tous deux, libres tous deux, ils s'aiment. Il y a tout juste entre eux ce qu'il faut de contraintes pour donner du piquant à leurs amours, c'est très joli. Et faisant un retour sur lui-même, lui qui, pour obtenir une étude, avait épousé une jeune haridelle, sèche et jaune, dont la jalousie le tenait en laisse, il avait eu un soupir de regret. Mais comme il ne connaissait point l'envie, peut-être par cela seul que sa femme la connaissait trop, il n'en avait voulu ni à Adolphe ni à Juliette de leur bonheur, et par sympathie, pour approcher des gens heureux, pour jouir de leur amour et se réchauffer à ses rayons, il leur avait témoigné une véritable amitié, et s'était mis entière entre eux toutes les fois qu'il avait cru ne point les gêner. Cela le rendait jeune et lui faisait oublier sa femme. Mais cette intimité n'avait pas tardé à lui montrer la fausseté de sa conclusion. Il y avait de l'amour entre eux, seulement il n'y avait que cela. Alors cet amour devait aboutir forcément à un mariage. Mais comment Madame d'Alifard consentirait-elle au mariage de son fils avec une femme qui n'avait rien? Si la première conclusion du notaire l'avait égayée, la seconde lui causa une véritable satisfaction personnelle. Bien qu'il fût d'une politesse parfaite avec Madame d'Alifard, et lui montra toujours un visage souriant, il n'avait point oublié qu'elle l'avait appelé sot. Le mot lui était resté sur le cœur, et s'il n'en avait point jusqu'à ce jour marqué du dépit ou du ressentiment, c'était par intérêt bien plus que par oubli de l'injure. On ne se fâche pas avec une cliente comme Madame d'Alifard. Seulement, si l'on est rancunier, et il l'était, on attend son jour. Un contrat de mariage entre Adolphe d'Alifard, rapportant 2 millions, sans compter des espérances certaines, et Juliette Nélis n'apportant rien du tout, si ce n'est ses habillements, linge, art, des bijoux à son usage personnel, auquel il n'aime pas, sur sa demande, donner d'estimation. Ce serait fort drôle à rédiger, et encore plus drôle à lire en détachant bien nettement les mots. Quel nez ferait la vieille ? Et la seule idée de ce nez lui donna l'envie de pousser à ce mariage. Ce serait sa vengeance, et peut-être trouverait-il moyen de lui prouver qu'il n'était pas le sot qu'elle avait dit. Sot parce qu'il avait opposé le langage de la morale à celui des intérêts. Ne serait-il pas curieux de voir Madame d'Alifard punie précisément dans ses sentiments d'intérêt, les seuls qu'elle eût voulu écouter ? Quoiqu'il se fût établi entre lui et Adolphe des rapports d'amitié, il n'avait jamais été question entre eux de ce projet de mariage. Souvent, il avait vu Adolphe triste et sombre, mais bien qu'il devinât à peu près la cause de cette tristesse, il n'avait pas osé provoquer des confidences qu'on ne se montrait pas disposé à lui faire. Mais lorsque, de déduction en déduction, il fut arrivé à comprendre clairement la situation et à se la formuler en quelques mots précis, amour d'Adolphe pour Juliette, projet de mariage, opposition de Madame d'Alifard, il changea de manière avec son ami. Un dimanche que Juliette n'avait point été invitée à venir à Nogent et qu'Adolphe était de fort maussade d'humeur, il proposa à celui-ci une promenade en tête-à-tête sur la Marne. Heureux d'échapper à la société de gens qui l'exaspéraient, Adolphe accepta avec empressement, et s'étant embarqués tous deux dans une yole, ils se laissèrent entraîner doucement vers Joinville. Il y avait ce jour-là des régates à la Varenne, et tous les canotiers qui ordinairement encombrent la Marne depuis Petit-Brie jusqu'à Joinville étaient descendus plus bas, si bien qu'ils se trouvaient à peu près seuls sur la rivière et pouvaient laisser dévaler leur bateau sans prendre la peine de le diriger. « Mon cher ami, dit le notaire lorsqu'ils furent au milieu du courant, je dois vous avouer qu'en vous proposant cet embarquement, je n'ai point eu une simple promenade en vue. J'ai voulu trouver un endroit où, loin des profanes yeux, comme on dit dans les tragédies, et loin aussi des oreilles curieuses, nous puissions causer en liberté. « Vous avez un service à me demander ? » interrompit Adolphe, qui tenait de sa mère ce travers de croire qu'on ne pensait qu'à réclamer de lui un service quelconque. « Mon Dieu, non ! Et je le regrette, car cela vous donnerait certainement un moment de bonheur. Et je voudrais trouver une occasion de vous égayer. » « Vous êtes triste, mon ami. »« Triste, non pas précisément, mais je manque d'entrain, voilà tout. Je ne suis pas comme vous, toujours gai, toujours dispo. J'aurais fait un parfait notaire. »« Ah, mon ami, ne parlez pas comme mon beau-père, je vous prie. »« Je vous assure qu'on peut être un parfait notaire sans se faire une tête de ministère public. »« Et si vous vouliez me mettre à l'épreuve, je pourrais, je l'espère, » vous montrer que, malgré mon nez retroussé et mon teint fleuri, j'ai quelques-unes de ces qualités du notaire, c'est-à-dire de celui qui arrange les différends de famille sans l'intervention de la chicane et de la loi. Que voulez-vous dire ? Je ne veux pas forcer vos confidences, mais enfin, puisque vous ne venez pas à moi, c'est à moi d'aller à vous. C'est un devoir qui s'impose à mon amitié, si vous me permettez de faire appel à ce sentiment. Vous souffrez, mon cher Adolphe, et sans être un profond observateur, je crois pouvoir vous dire d'où vient votre souffrance. » Adolphe fit un geste pour imposer silence au notaire, mais celui-ci continua. « Soyez certain que je ne vous blesserai pas. Au contraire, croyez que je vous soulagerai. Je respecte la pudeur de votre sentiment, et je n'en parlerai que tout juste autant qu'il sera nécessaire pour vous indiquer le remède que j'ai en vue. Vous aimez, je vous en prie, de la branche, assez là-dessus. Vous aimez une personne que je ne veux pas nommer, mais que je désignerai suffisamment en disant que c'est la jeune fille la plus belle, la plus charmante qu'on puisse voir et qu'on puisse souhaiter pour femme. Vous voyez que je la connais bien, n'est-ce pas ? Et vous la reconnaissez. » Adolphe perdit son air maussade et laissa paraître un sourire sur son visage. « Malheureusement, continua le notaire, cette personne qui a tous les dons, ni plus ni moins qu'une fiole de fée, manque d'une qualité, elle n'a pas de fortune. Et alors votre mère ne voit pas favorablement votre mariage, de là votre chagrin et votre inquiétude. C'est bien la situation, n'est-ce pas ? Avec cette circonstance en plus que si j'aime cette personne, j'aime aussi ma mère. de telle sorte que je me trouve placé dans une double situation également pénible. D'un côté, je suis malheureux parce que je ne peux pas épouser celle que j'aime. D'un autre côté, je suis malheureux parce qu'en l'épousant, je fais le désespoir de ma mère. Vous voyez, mon cher ami, que vos remèdes de notaire ne peuvent pas s'appliquer à mon cas. Croyez-vous donc que je viens vous dire, vous avez 25 ans, au terme de l'article 148, vous avez atteint la majorité fixée pour contracter mariage. Il vous faut seulement maintenant le consentement de votre mère. Si elle ne veut pas vous donner ce consentement, nous le lui demanderons par un acte respectueux, nous renouvellerons cet acte deux fois de mois en mois, et un mois après le troisième acte, nous passerons outre à la célébration du mariage. Un avoué, un avocat pourrait vous parler ainsi en faisant intervenir brutalement la loi. Mais je suis notaire, et précisément j'ai une manière d'entendre et de pratiquer le notariat qui laisse peu de place aux rigueurs légales. C'est par d'autres moyens que je conseille toujours à mes clients d'agir. Et vous êtes pour moi plus qu'un client puisque vous êtes un ami. Quels moyens ? Interrompit Adolphe vivement. Vous avez des moyens pour obtenir le consentement de ma mère sans la peiner. Sans la peiner, non. Sans la fâcher, oui, au moins je l'espère. Ah, mon ami, parlez vite. Vous ne m'en voulez plus d'avoir fait violence à vos secrets. Je m'en veux d'avoir eu la sottise de ne pas vous les confier et de ne pas vous avoir plus tôt demandé conseil. Je me serais épargné bien des angoisses. Les seules raisons pour lesquelles Madame d'Alifard s'oppose à votre mariage avec Mademoiselle Nélis viennent de ce que Mademoiselle Nélis n'a pas de fortune, n'est-ce pas ? Assurément. Il n'y en a pas d'autres. Comme tout le monde, ma mère rend justice à Juliette. J'en suis convaincu. Seulement, si je tiens tant à préciser, c'est que pour arracher le consentement de votre mère, il faut que je frappe à l'endroit sensible et non ailleurs. Donc, Madame d'Alifard s'oppose à votre mariage avec Mademoiselle Nélis parce qu'elle considère qu'il est de votre intérêt et du sien que vous épousiez une femme riche. Parfaitement. Eh bien, je prétends lui démontrer qu'il est au contraire de votre intérêt que vous épousiez une femme pauvre et encore plus du sien. Oh, mon ami, ne vous moquez pas de moi. Je parle très sérieusement. Et si sérieusement même que je ne vous demande qu'un mois pour faire cette démonstration. Comment ? C'est mon secret, que vous me permettrez de garder. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai bon espoir. Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas ? Vous me savez incapable d'employer des moyens coupables. Ah, mon ami. Eh bien, alors, à l'aviron, et remontons le courant. Nous pouvons rentrer.